Si on fermait la porte à Jerry qui est cambriolé et qui fait chimer d'ailleurs entrer sans effraction. Take me wrong when I hold you into my arms. Don't take me wrong when I kissed you a thousand times. Don't take me wrong when you're the only one I trust. Don't take me wrong when I looked at you with a smile. Je suis prêt à s'implorer.